Oh, dites, je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine? Je fais un reportage sur le Brésil pour un journal du soir. Mais il faut pas de vraies informations pour vendre un journal. You are fake news. Nous avons un problème, peut-on m'expliquer en régie? Et on ouvre ce bon journal avec une initiative qui séduira nos amis linguistes. Certains mettent à profit la période de confinement pour apprendre une nouvelle langue et pourquoi pas le patois sartois. La chaîne de télévision mensuelle Via LMTV a eu l'idée de faire traduire par des membres de l'association EULA les messages officiels de la prévention du coronavirus en patois sartois. Les téléspectateurs retrouvent ces messages sur leurs écrans tous les jours à 18h30. EULA, il y a le coronavirus. Pour qui se protège et qui protège nous autres, faut maisonnier à tout prix. Faut point se promener, sauf s'il a le papier pour le cas où. Faut aller ourser si c'est point possible de votre protège. Faire les commissions juste dès que vous avez besoin. Faire garder les quignots ou venir en aide à ce pauvre gens. Allez voir un toubi si vous êtes point touché par ce mot. De toute façon, faut rester à trois sabotés de tout bon compagnon. Faut avoir des gestes déchaillés. Dépoucrassez-vous les pognes avec du savon ou de la lessive Saint-Marc. De toute façon, il n'y a plus de gel. Teuglez et trucheté dans votre coude ou dans un iferio, qui est à mettre à l'ours une fois brésillé. On se dit bonjour sans se toucher les pognes et on arrête de se biser. Pour ceux qui ont la compagnie bouchée, il y a un téléphone, le 0800 130 000 ou par courriel sur gouvernement.fr. C'était une causerie du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Le masque de plongée second souffle des hôpitaux. Depuis le 21 mars, Lazy Breath, le modèle vedette de Decathlon, s'est imposé dans la lutte contre le coronavirus, servant à la fois de masque d'urgence pour les respirateurs hospitaliers et de protection pour le personnel. C'est une société italienne spécialisée dans la 3D qui est parvenue à le transformer en respirateur grâce à l'ajout d'une valve. Elle a aussitôt mis en ligne son brevet, tout comme Decathlon, qui a rendu public les secrets de fabrication de son masque. Plus de 2 millions de personnes ont déjà téléchargé les plans permettant de modifier le tuba pour l'adapter au respirateur. Mais ce n'est pas tout. Dans sa version été 2020, le masque sera doté d'un système de communication permettant de parler sous l'eau. Si vous avez compris l'utilité de cette dernière fonction, merci de nous en informer via notre page Facebook. De quelle quantité de papier toilette avons-nous besoin pour survivre à la quarantaine? Se demandent nos confrères de Vice.fr. Selon nos sources, un être humain déféquerait en moyenne 12 fois par semaine et d'après le site internet très fiable Health.com, il est normal qu'une personne fasse pipi 4 à 10 fois par jour. Il semblerait donc que l'individu moyen utilise environ 8,6 feuilles de papier par passage aux toilettes, un chiffre conséquent pour nos experts qui révèle que l'on consommerait entre 120,4 à 533,2 feuilles de papier toilette par semaine. Ainsi, un rouleau pourrait durer entre 6 jours à 4 semaines. Notre rédaction invite donc l'ensemble des auditeurs à rester calmes et à ne pas perdre leur temps à faire des calculs et autres moyennes car finalement tout cela dépend de notre organisme. Souvenez-vous, au début du confinement, notre équipe de reporters était partie à la rencontre de deux membres de la famille Delaunay. Nous leur avons de nouveau tendu notre micro. Bonjour Madame Zozo Lapin, la dernière fois qu'on était avec vous, vous étiez en train de réviser pour le bac. Qu'en est-il aujourd'hui? Le bac est annulé, il n'y a plus d'épreuves, c'est sur contrôle continu. Sur les notes du premier et du deuxième trimestre, et voire aussi normalement du troisième trimestre. Est-ce que vous êtes plutôt confiant? Oui, j'ai des bons résultats qui me permettent d'avoir le bac. Vous avez triché quoi? Non. Madame Delaunay? Madame Delaunay? Vous avez du putain? Vous avez fait une drôle de rencontre récemment, apparemment. Ah oui. Je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est arrivé. J'étais très tôt le matin. J'ai ouvert mon ordinateur et en regardant dans son ordinateur, il y avait l'homme mystérieux des Alpes, suisse et autrichienne. Et c'était un homme qui s'appelait Otzi et qui a été congelé dans la glace. Il y a 5000 ans. Et donc, j'ai suivi son histoire pour savoir pourquoi il avait été tué, parce qu'on avait retrouvé dans son corps, qui était congelé sous la glace, une trace à son épaule, un impact sur son épaule. Donc, les chercheurs suisses ont cherché, autrichiens, qui était cet homme, sa vie, ses fonctions, et s'il y avait un mobile de cet assassinat. Alors, cet homme était certainement dans le village quelqu'un d'important. On ne sait pas si c'était un chasseur ou un guerrier. Et en fait, on a tiré avec un arc, on l'avait suivi, et à 30 mètres, on l'a tué d'une flèche. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Alors, pourquoi ? Peut-être par convoitise. En fait, ce qu'on a appris, c'est que les hommes qui étaient il y a 5000 ans, ils ressemblent aux hommes d'aujourd'hui. Voilà, il n'y a rien de changé. Comment ça, il n'y a rien de changé ? Eh bien, l'homme était habillé, il avait un pantalon, il avait un bonnet d'ours, avec la peau d'ours, il avait des chaussures, il avait une veste, il avait fait des réserves un petit peu dans son sac à dos, un sac à dos qui était fait d'un boisseau de... d'un bois noisetier peut-être. C'était l'ancêtre du sac à dos. Et dans son sac à dos, il avait mis des réserves de charbon de bois. C'était des petites tisons de feu. Il les avait mis dans des feuilles d'érable et après dans des petites boîtes de bois. Et quand il voulait faire un feu, parce qu'il est monté à 3000 mètres, donc on sait ça, ce qu'il avait mangé dans son estomac, de la viande. La viande, c'était des chèvres, du cou de chèvre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette émission ? Que les chercheurs, en fait, découvrent les hommes à travers des squelettes qui sont congelés depuis 5000 ans et des traces sur leur vie quotidienne. Et ça, c'est incroyable. Que la vie quotidienne marque à vie, finalement ? Et ils traversent le temps. Voilà, effectivement. Ils ont découvert l'identité. L'histoire n'est jamais effacée. Il y a toujours un mystère dans l'homme et il est là. Presque tous les matins, et puisque le soleil est au beau fixe, en guise de routine confinement, je prends une grande inspiration, j'ouvre la fenêtre et j'écoute l'un des plus grands poètes du 21e siècle, qui dans son titre « Rue de la Victoire » dit sobrement « Le soleil dans la maison, c'est joli après la pluie ». Vous l'avez peut-être reconnu, je parle de Flavien Berger. C'est aussi lui qui dit « Chemise à l'envers, il fait bon dehors. Et d'ailleurs, j'adore les horodateurs. » Fin de citation. Je vous laisse méditer là-dessus et n'hésitez pas à me contacter si vous aussi vous avez une passion incongrue pour les bornes de paiement. Bisous mes bons cons. C'est vrai, je ne te dis pas tout. mais il n'y a rien que je ne te dis pas. Je ne te cache rien et je l'avoue. Désespoir de singe à Rocaria. Espoir de singe à Rocaria.